chose. Vous êtes encore à l'émission Bouquins et Confidences avec Julie Collin et Dominique Bellavance, qui est l'invité de la semaine, qui est écrivain. Rebonjour, Dominique. Bonjour. Donc, on parlait avant la pause du fait que Comment écrire plus a été un livre qui a été auto-édité. Ouais. Alors qu'il y a certains livres aussi où est-ce que tu vas dans les maisons d'édition. C'est le processus régulier que la plupart des gens connaissent. Pourquoi l'auto-édition? L'auto-édition, en fait, ça vient du projet que j'ai fait avant Comment écrire plus, qui était un guide pour les... Exactement, celui-là que tu me montres. Donc, présenter votre manuscrit littéraire comme un pro en 5 étapes. Je peux te dire comment le projet est né, puis ça va t'expliquer la démarche en même temps, si tu veux. Oui! C'est que un beau jour, je consulte mes données analytiques de mon site web, parce que j'ai un blog où je parle de mes aventures d'écriture au fil des années, que je tiens depuis 2007, je pense. Ça fait quand même longtemps que je blogue là-dessus. Et je me rendais compte, hey, je suis rendu avec 50 visites par jour. D'où ça vient, ces visites-là? Et je m'en vais consulter mes données analytiques de ça. Et je réalise qu'il y a à peu près 5 billets que j'ai écrits qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de visites en provenance de Google. C'est tous des articles qui expliquent comment envoyer un manuscrit à une maison d'édition, comment le mettre en page, tu sais, quelle police de caractère utiliser, toutes ces choses-là. Parce que les gens recherchaient ça spécifiquement sur Google. T'sais, comment publier un livre, comment formater un manuscrit. Et là, j'ai vu qu'il y avait un intérêt quand même particulier par rapport à ces conseils-là. Alors, il y a une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête. Comment je pourrais faire pour faire de l'argent avec ça? Ah ouais, je suis de même, moi. Ben oui, mais c'est correct. Je pense qu'il faut vouloir vivre à un moment donné. Ben, puis... c'est une pensée entrepreneuriale, en fait. C'est rien de plus que ça, là. Alors, je me suis dit, bon, je pourrais essayer de bonifier les articles puis de mettre des pubs dans mon blog. Ça peut être une façon de faire. Ou je pourrais essayer d'allonger un petit peu les articles et de faire un livre numérique avec. Au début, c'était comme ça. Je voulais faire un livre numérique que je vendrais peut-être 2-3 piastres, sur Amazon, sur Kobo, Google Play, etc., etc. Et je savais comment faire pour produire un EPUB parce que je travaillais avec Scrivener. Et avec Scrivener, on peut produire des fichiers numériques qui vont être lus par des liseuses comme Kobo, Kindle, etc., etc. C'est que j'avais déjà les connaissances pour faire ça. J'avais une formation en technique d'intégration multimédia, j'ai un deck là-dedans, donc je sais un peu comment ça marche Photoshop, que je peux faire des pages couvertures. Tu sais, j'étais un peu, j'ai les connaissances pour faire à peu près tout, sauf la révision linguistique, même la révision linguistique, c'est parce qu'on peut pas la faire soi-même, mais j'ai aussi étudié en rédaction révision à l'Université Laval également. Alors, j'ai commencé à écrire ce livre-là, qui est pas très long, tu sais, c'est environ, au format papier, c'est 70 pages à peu près. J'ai décortiqué les conseils, je les ai allongés beaucoup pour vraiment faire un guide complet en achetant une introduction, une conclusion, une liste de vérifications à faire. Et à la fin des articles, j'ai ajouté, si vous voulez en savoir plus sur comment publier votre livre, allez télécharger le guide « Présenter votre manuscrit littéraire comme un pro en 5 étapes » qui est en vente sur Amazon, Kindle, blablabla. Et ça, je voulais vraiment mettre un prix très bas pour ce livre-là, pour que ça soit... Tu n'as même pas besoin de prendre la décision de l'acheter. Tu sais qu'à ce prix-là, tu vas le prendre. Et je savais que en allant vers des maisons d'édition, ça allait être un prix beaucoup plus élevé pour des guides comme ça. Et aussi, quand tu publies en numérique, en auto-édition, les redevances sont pas pareilles du tout. OK, on parle de quoi comme différence? Ben, mettons, pour un livre papier dans une maison d'édition, tu vas recevoir environ 10 % du prix de vente. Donc, si un livre se vend 15 $ tu vas recevoir 1,50 en redevance. Souvent, pour la copie papier, ça va être un pourcentage un petit peu plus gros du prix de vente de copie numérique, pardon. Pour la copie numérique, tu as peut-être 15 % mettons, du prix de la copie numérique. Ou il y a certaines maisons d'édition qui vont dire on donne le même montant que pour la version papier. Donc, si la version numérique du livre à 15 $ se vend à 10 $, tu vas peut-être recevoir 1,5 $ encore, là, environ. Okay. Pour une version auto-éditée, par contre, en numérique, ça va être souvent... Quand le livre est entre 1 $ et 1,99 $, ça va être 35 %. Et quand c'est 2,99 $ et plus, la norme, souvent, ça va être 70. Donc, pour un livre vendu 2,99 $, je vais faire plus d'argent qu'un livre numérique chez une maison d'édition qui va être vendu 10 $. Évidemment, là, il y a plein de bémols à ajouter après ça. Ben oui, c'est ça qu'on veut savoir, entre autres. Ouais. c'est que c'est, tu sais, je parlais d'une démarche entrepreneuriale, c'est exactement ça. L'auteur qui s'auto-édite a tout à sa charge. Il va faire la couverture, s'organiser pour faire la direction linguistique, la révision linguistique. Si le livre a besoin d'une direction littéraire, et la plupart du temps, il en a besoin, faut qu'il s'engage un pigiste. C'est lui qui va mettre les livres en ligne sur les différentes plateformes comme Amazon Kindle, Kobo, iTunes Producer, qui est vraiment pas facile d'utilisation. C'est qu'il faut avoir des connaissances en informatique quand même assez avancées là, pour produire un EPUB qui a de l'allure puis le soumettre là-dessus. Et quand on tombe dans le livre papier, c'est une autre paire de manches. Faut savoir faire de la mise en page. Faut savoir que les pages impaires sont à droite puis les pages paires vont à gauche. C'est pas tout le monde qui sait ça. Faut savoir comment faire des bonnes césures. Faut avoir beaucoup de connaissances. Césures, c'est quoi? Les césures, c'est quand un livre, un mot va être séparé à la fin d'une ligne avec un trait d'union. Là. Parfait. C'est, tu fais pas tes césures n'importe comment. Puis le logiciel, il traite ça, mais souvent, ils font des erreurs. C'est qu'il faut relire tout et corriger ça comme il faut. C'est que c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est pour ça que quand tu publies un livre chez une maison d'édition, oui, tu reçois 10%, mais tout est à la charge de l'éditeur la plupart du temps, dont le risque financier. L'éditeur va faire imprimer, mettons, 1000 copies papier, puis il faut qu'il s'arrange pour les vendre, sinon il va les pilonner, puis il va rester pogné avec. Alors que en auto-édition, ça marche un petit peu différemment. Oui, il y a des auteurs qui peuvent décider d'imprimer 1000 copies, puis prendre ça à leurs frais, mais en général, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On va plus faire de l'impression sur demande. Si, tu sais, par exemple, mes deux guides d'écriture, comme « Comment écrire plus » et mon guide sur le manuscrit, ça marche de la même façon. T'sais, mon livre est en vente sur Amazon.ca, Amazon.com, Amazon.fr. Et si, mettons, un Français, demain, il décide d'acheter un livre, t'sais, Amazon.fr n'a aucun livre en stock, mais ils vont l'imprimer tout de suite, puis ils vont l'envoyer, la copie qui a été commandée. C'est comme ça que c'est comme ça la meilleure méthode, parce que là, il n'y a pas de risque financier vraiment. À part, moi, je vois toujours, quand je publie un livre, je vais toujours m'acheter une cinquantaine de copies, peut-être, à garder chez moi, pour en vendre quand les gens m'en demandent, pour donner un service de presse, pour... des concours, c'est toujours pratique d'en avoir. T'en vas sur ton site aussi, j'imagine? On peut l'acheter directement à toi? Moi, je préfère que les gens commandent sur Amazon pour plusieurs raisons. Ah, OK. C'est parce que si, mettons, quelqu'un me commande un livre, je vais vraiment être obligé de charger 7,50 de plus de livraison. Mettons, comme Comment écrire plus, faut que je demande ça parce qu'avec Post Canada, c'est cher. Oui, puis en fait, livres. Comment écrire plus, il est très gros. Moi, quand tu me l'as donné, j'ai fait « Oh, OK, il est vraiment lourd. » Oui, c'est un colis. Il est massif, là. Il y a quasiment 400 pages. C'est un colis. Avec moi, Expédition au Québec, ça coûte 15$. Quand on s'auto-édite, une des choses que j'ai lues dans plusieurs guides d'auto-édition et que j'ai entendu dans plusieurs podcasts, c'est que les engins de recommandation sur Amazon et sur Kobo et sur iBook, c'est le nerf de la guerre. Les algorithmes, faut tes livres rentrent dans les algorithmes de recommandation. Donc, c'est pour ça que je vais préférer que les gens le commandent sur Amazon, parce que quand ils vont acheter mon guide, tu sais, s'ils s'adressent à ce genre de guide-là, ben, s'ils ont acheté, mettons, un autre, tu sais, s'ils ont acheté « Comment écrire l'histoire » d'Elisabeth von Arbour, puis s'il y a d'autres personnes qui ont fait le même geste aussi, ben, quand les gens vont consulter la fiche de « Comment écrire l'histoire » d'Elisabeth von Arbour, ben, mon guide va apparaître dans... Les clients qui ont acheté ce guide ont aussi acheté « Comment écrire plus » de Dominique Bellavance. Mon guide est plus visible. Mais des fois, ils font même des combos. Acheter ces deux livres-là, ça coûte le même prix, là, mais acheter ces deux livres-là ensemble. Pis, exactement. On voit ça des fois. Ouais, c'est que c'est... Puis en plus, moi, quand je vends un livre, mettons, 30$, je vais dire mes chiffres, là. Quand je le vends 30$ sur Amazon.ca, je pense qu'il me reste 11$ là, dans mes poches. Là. C'est que c'est à peu près un petit peu plus que 33%, là, si mes calculs sont bons. Alors que si je vends moi-même un livre, tu sais, au cost, si j'enlève les frais d'expédition puis tout et tout, je pense qu'il me revient moins d'argent en plus. Okay. Mais c'est plus intéressant pour la personne qui le commande, parce que moi, je peux mettre une petite signature dedans, peut-être. Mais c'est sûr que ça coûte un peu plus cher. Tu sais, faut que j'ajoute des frais d'expédition, alors qu'en le commandant sur Amazon, ben, si les gens ils dépensent 35$, l'expédition est gratuite. Donc ça peut avoir cet avantage-là pour les lecteurs aussi de commander là-dessus. Je vais encore acheter un autre bémol là-dessus. C'est sûr que ça encourage pas le réseau des librairies indépendantes de faire ça. Ça, j'en suis très conscient. C'est sûr qu'un jour, ça va peut-être changer de ce côté-là. Je suis en discussion avec certaines librairies pour avoir mettre des livres en consigne dedans. C'est comme mon guide du manuscrit, il est en consigne chez Pantoute sur rue Saint-Jean. C'est que si les gens qui le veulent, ils peuvent le demander là-bas. Il est là. Je vais peut-être essayer d'étendre ça, mais c'est étape par étape, là, ces choses-là. Quand j'ai commencé à faire de l'auto-édition, j'étais même pas papier. C'était juste numérique. Mon guide du manuscrit, c'était juste numérique. Puis mes premiers romans que je voulais envoyer là, c'était uniquement au format EPUB. C'est après que je me suis dit, tu sais, ce serait le fun d'organiser des concours pour donner des livres papier. C'est que j'ai comme créé des guides papier de façon accessoire à côté pour comme une bébelle que je pourrais donner. Mais je me suis rendu compte, ah, les gens l'achètent. Oui, ben il y a encore beaucoup de gens qui aiment ça, le papier. Oui. Puis même moi, personnellement, c'est connu. J'ai un blog littéraire, je lis beaucoup de livres. J'en reçois beaucoup aussi. Les livres papier, j'ai tendance à les prioriser. Parce que moi, je préfère lire papier. C'est que c'est sûr que des fois, les livres numériques, ils ont l'air super intéressants. Mais tant que je me retrouve pas dans une situation où je dois lire numérique, je lirai pas numérique. Dans le sens que je pense même pas. Ben, dans le monde franco, c'est pas très c'est développé. Ça, hein? Ça reste très marginal. Dans le monde anglo, c'est un marché mondial. Puis je pense que les liseuses ont plus percé, les habitudes de lecture numérique ont plus percé dans le monde anglo. Dans le monde franco, c'est même proportionnellement, je pense que le taux de lecteurs numériques est beaucoup, beaucoup plus bas. Là, j'ai pas de données. Je pense qu'on est à moins de 5% au Québec. J'ai pas de données pour appuyer ça, mais de ce que j'ai pu voir de mon expérience, ça marche pas. En tout cas, ça marche pas dans la fiction. Vraiment, vraiment, vraiment pas. J'ai essayé là avec de deux romans que j'ai essayé de sortir en numérique, là, puis pas en tout. Là. Alors que pour le guide pratique, ça marche un petit peu plus, mais si on compare les ventes papier versus numérique, quand je me suis rendu compte que mon guide de manuscrit il marchait vraiment bien papier, puis continue à marcher encore aujourd'hui, là, je continue à en vendre de façon régulière, surtout en France, là, étonnamment. Je me suis dit que pour comment écrire plus, j'allais sortir la version papier et numérique en même temps. Tout est sorti. Puis c'est vraiment l'un n'est pas un accessoire à l'autre. Là, ils sont sur le même pied d'égalité. J'ai mis beaucoup de temps sur la version papier là, pour se faire un beau produit. Puis même chose pour la version numérique, là, mais c'était pas un accessoire là, quand je l'ai sorti. Là. C'est quoi la différence entre les deux versions, sinon dans le travail? Dans le sens que c'est pas la même mise en page que tu dois faire? Ben non, dans la version papier, il y a un travail de mise en page à faire. Alors que dans la version numérique, je veux surtout qu'il n'y ait pas de problème de mise en page selon les liseuses. C'est con, là, mais c'est compliqué de sortir une version numérique parce que sur Kobo, j'ai une Kobo chez nous, ça sort bien, mais sur une Kindle, est-ce que ça va sortir aussi bien? Ils n'ont pas les mêmes polices de caractère. En fait, j'essaie de pas mettre de police de caractère. J'essaie de donner le choix de police au lecteur parce que lui, il peut configurer sa police de caractère sur sa liseuse. Là. Moi, je veux tout avoir en temps du roman. Faut que la feuille de style du hip-hop soit adaptée à ça. Je veux surtout qu'il n'y ait pas de problème d'affichage. Tu sais, les graphiques dans Comment écrire plus, il y a des graphiques. Dans les romans, souvent, il n'y en a pas. Je veux que mes graphiques, ils ne dépassent pas dans de la fenêtre de l'écran de la liseuse. Là. Je veux pas que le lecteur ait besoin de réagrandir pour voir ce qui est là. C'est bien, bien compliqué. Mais ça je suis familier avec ça parce que j'ai eu des cours de création de sites web et on sait que les sites web, dans le temps, en tout cas, en 2006, là, Internet Explorer, c'était n'importe quoi là, dans ce temps-là. Fallait rendre tous nos sites compatibles avec Internet Explorer 6. Avec tous nos sites web, ils marchaient avec Firefox, ils marchaient avec Safari, avec Opera, puis là, on ouvrait Internet Explorer, puis tout était explosé partout. Il n'y a rien qui marchait. C'est que là, fallait taponner le code pour que ça marche. Ben un livre numérique, c'est un peu pareil. Faut le tester avec Kindle, avec Nook, ça, j'avoue, je le teste pas, là, c'est pas assez répandu comme liseuse. Mais tu réussis à le tester avec Kindle, même si tu l'as pas? Ben, il y a des, quand on téléverse notre fichier Mobi sur KDP, qui est Kindle Direct Publishing, on peut avoir un aperçu, là, sur la plateforme en ligne pour voir comment notre livre va sortir. Et s'il y a à avoir un gros problème d'affichage, là, je peux le corriger directement là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que si un lecteur voit une erreur d'affichage ou carrément une faute dans la version papier, ça se peut, tu sais, il y a des coquilles qui peuvent se glisser n'importe où. Ben, vu que c'est l'impression sur demande, moi, ce que je fais, c'est que je vais modifier mon fichier, je le téléverse à nouveau. Et les prochaines personnes qui vont acheter le livre, ben, il n'y aura plus de faute. Et en plus, sur les versions numériques, on peut pousser des mises à jour. Pour les gens, par exemple, qui ont acheté le livre sur iBooks, à un moment donné, quand ils vont rouvrir iBooks, il va y avoir un petit 1 en rouge sur les mises à jour. Ils vont mettre le livre à jour, puis il n'y aura plus de faute. C'est un autre avantage qu'on pourrait pas faire avec une édition traditionnelle, c'est de mettre ses livres à jour comme ça. Ben, une des mises à jour que j'ai faites, mettons, montre-moi donc la couverture du guide de manuscrit que t'as ici. Je suis curieux. Autre ton là, doigt. C'est zéro ouais, radiophonique, notamment. Ouais, affaire, non, je vais le décrire parce que sur la couverture, c'est écrit le titre, présenter votre manuscrit littéraire comme un pro en cinq étapes. En dessous, c'est écrit le nom de l'auteur. En dessous, c'est écrit écrivain, virgule, auteur de la série Alain Gracia. Maintenant, c'est plus ça qui est écrit. Maintenant, c'est écrit écrivain, virgule, auteur de Comment écrire plus. Parce que je trouvais que les livres, ils se répondaient les deux ensemble. Oui, en effet. Hein. Ouais. Puis à la fin de ce livre-là, à la dernière page, j'ai dit si vous avez aimé ça, t'sais, lisez mon roman réalité parce que vous allez voir des nouveaux auteurs en action. Maintenant, c'est plus ça. C'est une recommandation de lire le guide Comment écrire plus et vice versa. J'ai mis ce guide-là à jour pour l'adapter à. Parce que t'es un lecteur de guide d'écriture, ben va lire un autre guide d'écriture plutôt que lire un roman. Là. C'est bien plus pertinent dans cette situation-là de référer. Tout à fait. C'est très concret comme modification, ouais. En effet. Ouais. Donc moi j'ai une version qui date un peu déjà. T'as une vieille version. Oui, j'avais déjà ton livre il y a longtemps déjà. Tantôt t'as dit rapidement que au niveau du roman ça fonctionnait moins bien l'auto-édition. Donc tu fais aussi l'édition régulière là, t'es aussi dans une maison d'édition ou est-ce que tu as le service régulier avec l'équipe qui est derrière toi pour ouais. Ça, pour faire la promotion. Ben j'ai essayé de faire de l'auto-édition pour le roman, c'est parce que j'avais une stratégie mercatique assez particulière, c'est que je voulais moi j'ai une liste de diffusion sur mon site web puis je donnais le premier tome d'une nouvelle série quand tu t'abonnais à la liste de diffusion. Fait que les gens pourraient commencer la série en prenant un tome gratuitement et les autres, j'allais les vendre sur les différentes plateformes. Fait que c'était une façon de faire découvrir mon livre pour peu de frais, pour amener plus de lecteurs. Le truc qui a pas marché, c'est que j'ai distribué à peu près 1500 copies de ce livre-là gratuitement. Fait que moi, dans ma tête, je m'étais dit, hey, mec, que je sorte le tome 2, je vais-tu en vendre un peu? Il y a 1500 personnes qui l'ont téléchargé. Donc là, j'étais bien excité de sortir ce livre-là. 1500 personnes? Ouais, qui l'avaient téléchargé, environ. Puis je pense que c'était en septembre 2016 que j'avais sorti le tome 2. Puis il était pas, tu sais, je le vendais 5$. Le prix, c'était pas un frein là, pour acheter la suite en numérique. Et dans les deux premières semaines de lancement, j'ai vendu 5 livres. Dont 2 que c'est moi qui ai acheté pour tester le livre sur mes liseuses. Avec ça, c'était pourri. Ouais, c'est déprimant. Ça marchait pas. C'est parce que cette stratégie-là de donner des livres gratuits, ça attire ce qu'on appelle en anglais des free seekers qui vont télécharger ton livre et qui ne liront pas vraiment. T'sais, ils vont juste télécharger des livres gratuits puis ils vont pas lire. C'est sûr que je me suis posé la question, est-ce que mon livre est pourri? T'sais, peut-être que le monde l'a lu, le tome 1, puis ils ont dit ça vaut pas la peine d'aller vers le tome 2. C'est un peu. C'est là que j'ai écrit un article de blog qui disait que moi j'étais prêt à abandonner l'écriture rendue là. J'étais prêt à tout garrocher par la fenêtre puis me retirer de ce marché-là. Ça m'avait tellement donné un gros coup. Là. J'avais travaillé 2 ans sur ce livre-là pour faire pour me trouver 3 lecteurs de plus. Là. C'est bien beau, là. Maintenant, il faut être réaliste. Là. Je ne retravaillerai pas un autre 2 ans. C'est beau faire un plus gros pourcentage non, quand c'est auto-édité, il y a quand même des limites. C'est pas juste une question d'argent. Là. Je suis un écrivain, je veux être lu. Ben oui, en premier, je veux être lu. L'argent, ça viendra après. Là. Moi, je veux avoir un lectorat. Je veux vivre la vie d'écrivain, c'est ça. Là. C'est être lu, à mes yeux. J'avais pas réussi à atteindre ça. C'est ça. J'ai dit, ben là, j'annule la série. C'est fini. Cette série-là, écoute, elle n'a pas trouvé son lectorat. Puis je vais arrêter d'écrire. J'étais découragé. Là. J'ai dit, je vais continuer d'écrire comment écrire plus. Ça sera mon projet d'adieu. Puis après ça, je mets la clé dans la porte. Puis au pire, si j'ai à réécrire, je vais le faire sous pseudonyme, tout simplement. Ça n'a pas été très long qu'il y a une maison d'édition qui m'a approché en me disant, ouais, ton projet, ça serait de valeur qu'il se perde. Peux-tu nous l'envoyer? Je suis intéressé à le lire. Fait que j'avais rien à perdre là-dedans. Puis justement, je voulais me prouver un peu à moi-même, tu sais, est-ce que le problème était dans mon tome 1, finalement? Ça pouvait, là. Peut-être que j'avais produit un mauvais livre. Je l'ai envoyé. C'était la maison d'édition ADA qui m'avait demandé mon livre. Fait que j'ai attendu. 2 semaines plus tard, il me demande mon tome 2. Je l'envoie. Puis 2 semaines après ça, je signe un contrat. Ça montre que, bon, c'était peut-être pas si pire que ça, ce que j'avais fait. Moi-même, j'étais assez tu sais, je pense que j'avais écrit un bon livre. Là. J'avais fait lire à quelques personnes en version papier. J'ai eu des commentaires de gens qui l'avaient lu puis qui avaient beaucoup, beaucoup aimé ça. Oui, je trouvais ça de valeur que ça se perde. Mais bon, on le ressort. On fait comme si ça n'avait jamais paru. On change le titre. Là, ça va s'appeler. Avant, ça s'appelait Le fléau de Roxgap. Maintenant, ça va s'appeler. La série s'appelle Le silence des sept nuits. Le tome 1 va s'appeler Les derniers jours. Et on réunit ces deux tomes-là en un seul gros volume. OK. Ouais, ça va être juste un volume. Qui va réunir les deux, et il va avoir un autre volume, puis la série va se finir comme ça. Ça va être un diptyque. Quand est-ce qu'on l'attend? Le premier va sortir fin août, je pense. Début ou fin août. En tout cas, sur les libraires, c'est écrit 1er août, mais il me semble qu'on m'avait dit fin août. En août, à peu près. Fait que c'est ces deux volumes-là réunis. Il y a pas beaucoup. Il y a eu quelques changements, mais pas beaucoup. C'est que ceux-là qui ont lu les versions numériques, ils n'auront peut-être pas besoin de racheter celui-là. Ils vont pouvoir continuer à suivre ça après, mais... Oui, ça c'est là on tombe dans l'édition traditionnelle avec les conditions traditionnelles de l'édition. Ouais. OK. Et là, l'émission se termine quand même bientôt, hein. Nous autres, on est un peu pressés par le temps. J'aimerais ça que qu'on revienne un peu sur l'auto-édition, puis peut-être que tu nous donnes les pièges ou des conseils. T'es vrai, rapidement, des choses qu'il faut quand même porter attention quand on fait de l'auto-édition. Qu'est-ce que ça serait enfin, toi, tu l'as vécu, là, tu le vis encore. Quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, est-ce que tu as quelques conseils à nous donner? Ouais, le premier conseil, c'est lance-toi là-dedans pour les bonnes raisons. Il y a beaucoup de monde qui s'auto-édite parce qu'ils vont avoir écrit un roman. Ils vont l'avoir envoyé à plein de maisons d'édition. Les maisons d'édition disent toutes non. Donc, il va se dire, je veux me faire publier quand même, donc je vais m'auto-éditer. Ça, c'est peut-être pas la meilleure raison pour se lancer là-dedans parce que quand toutes les maisons d'édition disent non, il y a peut-être une raison pour ça. Il faut vraiment que tu te poses des questions. Et que tu te demandes, est-ce que je suis vraiment un génie incompris ou est-ce que mon projet a besoin d'être amélioré? Moi, quand je me suis lancé en auto-édition, j'ai pas soumis mes projets à des éditeurs. C'est vraiment parce que j'avais une démarche spécifiquement liée à l'auto-édition. Justement parce que je voulais avoir un petit prix pour mon guide de manuscrit. Comment écrire plus, je savais que j'étais capable de le vendre par mes propres moyens, puis je voulais, c'est assez entrepreneurial, je veux faire plus de relevance, mais prendre le risque, ce n'est que ça. Pour mes romans, c'est parce que j'avais une stratégie mercatique qui était impossible à faire en édition traditionnelle. Je voulais donner mon tome. Là, je me suis rendu compte que cette stratégie-là marchait pas, donc j'avais aucune raison de continuer en auto-édition. Pour ça, c'est pour ça que je suis revenu dans le canal traditionnel. Donc, c'est ça, de pas... que ce soit pas une solution de dernier recours. Parce que le livre sera pas meilleur, puis de toute façon, c'est très dur d'atteindre son public, surtout en fiction. Là. Ça prend une maison d'édition là, pour faire une bonne diffusion. On a besoin d'eux autres vraiment. Là. Surtout quand on n'a pas les connaissances dans plusieurs domaines qui sont liés à la mise en page, à la promotion, à l'infographie. Il va falloir payer tout ce monde-là. Là. Et le conseil numéro 2, c'est celui-là, c'est de paye du monde. Travaille avec une équipe parce que tu peux pas faire tout seul. Ça prend un directeur littéraire, même si tu te fais auto-éditer. Faut que tu aies l'avis extérieur, faut que tu sois un pro. Fais pas ta couverture seul. Moi, j'ai fait tout seul, mais j'ai une formation en graphisme. Écoute, on envoie là, des livres auto-édités là, qui sont dégueulasses. Là. Avec des titres en word art, police arc-en-ciel, avec des... Écoute, cette valeur, là, cette valeur. Les livres sont peut-être bien bons, mais à cause que le monde a voulu être cheap sur la couverture en les faisant eux-mêmes, ça marche pas. Tu sais, il y a tellement des trucs faciles. Là. Tu peux acheter des couvertures préfabriquées sur le web. Il y a des graphistes, mettons, qui vont avoir... tu sais, pour des maisons d'édition, mettons, ils vont se faire commander une couverture. Ils vont faire 5 versions de la même couverture. La maison d'édition va en prendre un, mais les 4 autres, pour le graphiste, sont pas perdus. Il va se faire un site web de couverture préfabriquée. Il va remplacer le titre qu'il y avait pour l'ancien livre par, mettons, votre titre avec votre nom d'auteur. Puis ils vont les mettre en vente pour 20, 30, 40 piastres. C'est rien, là. C'est des couvertures super professionnelles. Tu peux acheter ça pour un prix dérisoire. Mm-hmm. Et tu vas avoir une couverture pro. Mais il faut que tu le saches. Ce genre d'affaires-là, mais c'est ça, faut que tu lises des... Tu sais, faut que le monde aille lire, faut qu'il s'informe, faut qu'il lise des guides d'auto-édition puis qu'il sache à quoi s'attendre. Mais c'est facile de contourner ces pièges-là, mais ne faites pas votre couverture vous-même. Moins que vous soyez Dominique Bellavance. À moins d'avoir une formation graphiste, mais la plupart des gens ne l'ont pas, ça. Ouais. Ils n'ont pas cette formation-là, puis ça paraît. Ouais. Puis l'auto-édition, c'est sa mauvaise réputation, des fois, justement, probablement à cause de ça, à cause des gens qui tournent les coins ronds un peu. Ouais. Ben, c'est... Quand tu t'en vas en auto-édition, tu vas avoir mauvaise presse par défaut. C'est ça qui est de valeur. C'est qu'il, comme tu dis, il y a tellement de monde qui font n'importe quoi. C'est que ça va déteindre sur toi. Il faut que tu prouves que ce que tu fais est bon. tu sais, mettons, si tu fais publier chez Alto, là, tu le sais, là, le monde le sait, là, que ça va être bon. Là. Oui. Il y a plein de maisons d'édition là qui ont un saut de qualité dessus. L'auto-édition, c'est l'inverse. T'as un saut de non-qualité. Donc, quand... ça va faire tes preuves encore plus fort. Ah oui, tu vois. Puis, tu sais, dès que le monde voit une faute dans un livre auto-édité, il y en a des fautes dans tous les livres, là. Mais s'ils voient une faute dans un livre auto-édité, ils vont comme crier sur les toits. C'est un livre auto-édité, il y a plein de fautes dedans. Tu sais, t'es par défaut, là, catalogué comme une personne qui a pas réussi à se placer dans les maisons d'édition. Puis, c'est ça, ça nous suit. Fait que, ça vient avec. Ça vient avec. Puis, c'était quelque chose que j'avais de la difficulté à... J'avais bien de la misère à dealer avec ça dans le côté, dans le roman, là, si on veut. Dans le guide pratique, c'est moins vrai. Tu sais, le monde qui s'auto-édite en BD, il n'y a pas ce nuage noir qui les suit. Puis dans le guide pratique, on dirait que c'est un peu ça aussi. Le monde va moins décrier ça, alors que dans la fiction, ouais, il y a des stigmates qui suivent. Oui, puis même dans l'édition régulière, c'est quand même difficile aussi de faire sa place. Des fois, comme nouvel auteur ou peu importe, c'est que c'est sûr que c'est pas gagné. Non, c'est ça. Ça commence mal une carrière, tu sais, commencer en auto-édition. Je suggère de faire nouveaux auteurs, faites vos preuves en édition normale. Et l'auto-édition, tu sais, faites ça si vous avez vraiment un projet entrepreneurial précis qui demande ça. Parce que ça faut avoir les reins solides pour se lancer là-dedans. Là. Ou sinon, tu y tiens tellement, ça a été refusé ailleurs, mais tu y tiens tellement que tu es prêt à assumer le fait que peut-être que tu en vendes juste 5 copies. Ouais. Puis il advienne que pourra, là. Mais en effet. Je dirais retravaille ton livre. Oui. Travaille ton livre. C'est sûr que c'est toujours important aussi. Ouais, ouais. J'irais plus, tu passes une année de plus à essayer de faire un bon livre. C'est ça, aller là-dedans. Hey, Dominique, ça n'a pas de bon sens. Je sais, je me répète, à toutes les semaines, je dis ça, mais c'est terminé. Donc, on se laisse là-dessus. La semaine prochaine, on va avoir Antoine Tanguay, qui va être qui va être avec nous des éditions Alto. On va discuter avec lui de plein de choses. Ça va être super intéressant, comme à toutes les semaines. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été là. Et si vous voulez en savoir plus, aussi d'avoir les détails, puisque à toutes les fois, je demande aux auteurs, on ne l'a pas abordé cette semaine, mais leurs suggestions de lecture, ça va être disponible sur julielioli.com. Donc, je vous laisse avec les saints patrons de l'Acouphène. Bonne soirée.